J'offre cette chanson à tous ceux qui vivent près d'un aéroport et qui sauront mieux que les autres comprendre ce message d'amour et de paix. J'habite près d'Orly et j'entends les avions qui partent au loin et qui font du bruit. J'habite près d'Orly. Les avions qui partent au loin avec nous, ces crétins crevés dans nos avions, crevés tous dans vos avions. Tout ce bruit qui me casse les oreilles. J'entends les avions partir très haut dans le ciel. Pourquoi y a-t-il tous ces avions? S'il s'arrêtait juste un moment de tourner, ça serait marrant. Crevez tous dans vos avions, crevez tous, bande de crétins. J'entends les avions qui partent très loin avec mes voisins. Je les emmerde tous, mes voisins, les avions aussi. Et ceux qui partent loin aussi, crevez dans vos avions qui vont au loin, crevez tous dans les avions qui font du bruit jusque dans mon lit. Il m'empêche, au fond de mon lit, de rêver à toi. T'en peux plus de tout ce bruit qui me bouffe.